Et oui, la suite, c'est maintenant. Et nous arrivons au moment où Léa va désinguer pendant une minute un classique du cinéma, de la littérature, de la musique. Bref, c'est la minute bashing. C'est le pantoufle dans ta gueule. Alors aujourd'hui, je vais envoyer une pantoufle dans la gueule de Shrek. Et plus particulièrement de Shrek 2, puisque c'est le plus populaire de la trilogie. Alors que dans le 1, on atteignait des sommets de bêtises et de caricatures grossières en se moquant des contes Disney, faute d'avoir un scénario original à défendre, ici on se retrouve avec une trame héroïque toute tracée et une absence totale de politiquement incorrect. La prétention et le culot des scénaristes va très loin, puisqu'en guise de scénario, ils alignent des reproductions de scènes de films réussies, contrairement aux leurs, ce qui donne un enchaînement sans queue ni tête de références envahissantes. Et ce n'est même pas tourné à l'hommage ou à la parodie classe, il s'agit juste de rendre ridicule et de singer des génies, au lieu de créer véritablement de l'humour là où visiblement il n'y en a pas. Le tout saupoudré d'un humour pipi caca bas de gamme que jamais aucun enfant ne devrait subir. L'histoire est creuse au possible, toutes les scènes sont vides, les gags sont tellement nombreux qu'ils n'existent que en tant que gags et ne servent absolument pas ce scénario, de toute manière plat et niais. L'humour est d'un mauvais goût assumé, même si je sais que ce sera toujours la faute du client, car oui, un personnage rote et la salle rit aux éclats, la loi de l'offre et la demande, merci. En bref, c'est lamentable, mauvais, lourd, nul, pompeux, déjà vu, ennuyeux, agaçant et hautain. Et le plus gros de l'histoire, ce n'est pas l'ogre, mais son succès. Oh, bien joué, pile en timing, bravo. Tout le monde la déteste. Tu te rends compte qu'on applaudit un bashing quand même. Ouais, ouais. Je n'applaudis pas. Moi, j'applaudis pas. J'adore ce film. Donc. Je n'applaudis pas. Ça, on te désapplaudit dans l'autre sens, comme ça avec les merci Léa. On rappelle, elle est toujours sous protection policière. De plus en plus.